franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un serment, celui de François Hollande, salarié d'ArcelorMittal de Florange, il y a 5 ans, en février 2012. Quand on évoque Florange, aujourd'hui, nous vient à l'esprit des mots et des images, ceux et celles d'un candidat aspiré dans le courant d'une campagne qui, une fois élu président, fait des choix différents des espérances qu'il avait fait naître. Florange, c'est aussi une histoire d'homme et de pouvoir, celle d'un ministre et d'un chef de gouvernement qui se sont opposés sur le chemin à prendre. Enfin et surtout, c'est le roman d'une lutte, celle des salariés, fils et filles de l'acier du Bassin-Lorrain, héritiers d'une histoire qui bégait. Du plan acier des années Mitterrand aux promesses du quinquennat Sarkozy, les ouvriers de l'industrie métallurgique voient s'échapper le travail et leur usine tomber dans les mains de financiers inconnus. À Florange, le patron s'appelle désormais Lakshmi Mittal. En 2006, le milliardaire indien qui a fait fortune dans l'acier lance une opéra victorieuse sur le groupe Arcelor. L'homme est ambitieux, trop. 2 ans plus tard, la crise éclate. Le marché de l'acier se tend. Après Gandrange, c'est donc Florange et ses 623 emplois de la filière chaude qui sont menacés. En pleine présidentielle, cette ville devient une étape de la campagne. Jour après jour, journalistes et candidats viennent prendre le pouls de ces abonnés de la crise. Et puis, l'élection passe, mais le changement patiente. Le président tiendra-t-il sa promesse? Existe-t-il des solutions pour sauver les hauts fourneaux? Pour parler de cette histoire, nous recevrons en seconde partie Elsa Fresnay, journaliste aux Échos, auteur avec Valérie Astruc de l'ouvrage intitulé Florange, la tragédie de la gauche. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 24 février 2012, Lorraine, vallée de la Fensch. Florange, Hayange, Acange, une litanie de villes appelée la vallée des anges, reliées chacune l'une à l'autre par l'acier. Née au début du XXe siècle, entre mines et hauts fourneaux, dans la chaleur asphyxiante et le vacarme assourdissant, on y a façonné les ponts, les canons et les rails de France et d'Europe. Pendant des décennies, l'acier a nourri des milliers de familles françaises et immigrées et a enrichi des dynasties d'industriels. Puis ce siècle s'est éteint et l'industrie s'est déportée sur d'autres terres et continents plus rentables. En Lorraine, sur ces cathédrales de fer, la rouille s'est donc déposée peu à peu. Florange était la dernière cité où deux hauts fourneaux rougissaient encore. Mais le 6 juillet 2011, le groupe ArcelorMittal décide de les mettre en sommeil. À quelques kilomètres de là, en 2008 déjà, c'était Gandrange dont on annonçait la fermeture prochaine. Le président était venu sur place et avait promis de sauver l'usine. Il n'en fut rien. Une stèle a même été déposée où l'on pouvait lire « Ici reposent les promesses de Nicolas Sarkozy ». 3 ans plus tard, en pleine présidentielle, ses adversaires font de la Lorraine une étape sur la route de l'Élysée. Lui choisit d'autres lieux, d'autres usines. Le 23 février 2012, quelques jours après s'être porté officiellement candidat, on apprend dans les rédactions ainsi que dans les états-majors de ses concurrents que Nicolas Sarkozy se rend sur le site de la raffinerie en difficulté de Petroplus en Normandie. Chaque élection étant tout autant une guerre d'images que de mots, dans le camp socialiste, on cherche alors à organiser un déplacement ouvrier pour François Hollande. Et dans le plus grand secret, sous la houlette de Manuel Valls, le candidat socialiste prend la route de Florange. Après Thionville, Gandrange, il s'agit de la 3e visite du candidat en 1 mois dans la région. Que vient-il promettre ce 24 février 2012? À son arrivée, en tout cas, c'est la foule des grands jours. Dans une ambiance électrique où les salariés doivent jouer les coudes avec la horde de journalistes et de photographes, le candidat monte sur le toit d'une camionnette. Il écoute la parole des salariés et des intérimaires de l'usine, taquine à distance le président sortant, puis prend acte devant eux. Je viens donc devant vous prendre des engagements. Si ce groupe n'est d'ailleurs animé que par des intérêts financiers et non pas des intérêts industriels, oui, Je suis prêt parce que j'avais déjà pris cet engagement à Gandrange, que nous déposions une proposition de loi qui dirait la chose suivante, et ça vaut pour ici comme pour d'autres sites, quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Quel que soit mon avenir, je reprendrai ce texte parce que je vous le dois. En son temps, Lionel Jospin avait indiqué aux salariés de Michelin « Que voulez-vous, l'État ne peut pas tout », une parole qu'il a payée de cash en avril 2002. 13 ans plus tard, François Hollande promet le retour d'un État face à l'appétit financier de grands groupes. Les salariés applaudissent, mais la campagne est encore longue pour le candidat comme pour eux. Alors, comme ils aiment le répéter aux journalistes, ils ne lâchent rien et s'installent dans le décor médiatique de la campagne. Le 15 mars, ils annoncent une rencontre avec Nicolas Sarkozy. Le président est d'accord, mais finalement, ce sont les CRS qui les accueillent. C'est ce qu'ils voulaient, nous a provoqué pour faire croire qu'on est des voyous. On n'est pas des voyous. Ça fait 4 semaines qu'on est en grève. On a agressé personne. C'est lui le voyou. Eh ben nous, on n'ira pas à sa visite de mercredi. Il va se faire foutre. On est venu pour lui expliquer la situation. On est venu avec des échantillons d'acier pour lui montrer la qualité de notre produit. Et voilà comment il nous reçoit. Peu à peu, les Français s'attachent à cette lutte ouvrière, portée notamment par cet homme que vous venez d'entendre, Édouard Martin, élu CFDT, qui, après avoir connu la fermeture de Gandrange, tente de sauver les hauts fourneaux de Florange. Le 28 mars, il entame une marche de 300 km avec ses compagnons jusqu'à Paris. 9 jours plus tard, ils sont des milliers à les attendre et à finir le trajet avec eux. Inconnus, artistes, mais également politiques, les saluent et les encouragent dans leur combat. Un mois plus tard, François Hollande est élu président de la République. La flamme des hauts fourneaux de Florange va-t-elle se ranimer? La terre va-t-elle trembler de nouveau sous les coups de l'acier? Ou grâce à la colère des salariés Florange? Le 4 juin 2012, ce n'est pas le candidat socialiste qui accueille les salariés d'ArcelorMittal à l'Élysée, mais le président. Eux ont revêtu leurs plus beaux costumes pour présenter de nouveau leur situation après presque un an de lutte. Pour la première fois, ils rencontrent Arnaud Montebourg, nommé ministre du redressement productif. Assis à la gauche de François Hollande, c'est lui qui a désormais la charge du dossier et qui leur annonce le lancement d'une expertise détaillée sur le site, une tâche confiée à Pascal Faure. Ce haut fonctionnaire de Bercy a donc pour mission d'étudier l'avenir de Florange et la situation générale de la filière acier en France. En 2 mois, il rencontre tous les acteurs du secteur industriel, les élus locaux, les syndicats. Le 27 juillet, le rapport est présenté. Certes, l'expert pointe la surcapacité substantielle de production en Europe, mais il énumère également les atouts du site de Florange, notamment son savoir-faire, sa capacité à produire des aciers de haute technicité et sa localisation proche des clients automobiles français et allemands. Pour lui, en résumé, le site est viable. À la sortie de la présentation, les membres de l'intersyndicale se disent heureux et confiants. Fort de ce rapport, le ministre leur annonce des rencontres futures avec les dirigeants d'ArcelorMittal pour connaître les objectifs du groupe sur le site de Florange. Bien, l'été passe, mais le doute s'installe. Et le 26 septembre 2012, ArcelorMittal fait savoir au gouvernement qu'il va définitivement fermer les hauts fourneaux de Florange. Évitant que la nouvelle ne s'ébruite, Bercy organise à la hâte un rendez-vous avec le géant de l'acier. Le lendemain, Lakshmi Mittal est donc à l'Élysée. Lors de cette rencontre, François Hollande est accompagné du secrétaire général de la présidence, Pierre-René Lemas, et de son conseiller économique, un ancien banquier de Rothschild, rompu aux courbes du marché et de la finance, un certain Emmanuel Macron. En face, Mittal est venu avec Henri Blaffard, un luxembourgeois francophone, numéro 2 de la division d'Europe ArcelorMittal. En anglais, chacun explique son point de vue, décrit la situation selon ses intérêts, bien sûr. Mittal expose son choix par la baisse de 30% de la demande en Europe et les pertes qui en découlent pour son groupe. Le président, lui, évoque la situation sociale, l'importance d'une sidérurgie dite intégrée en France. Puis, il demande « Êtes-vous prêt à céder les hauts fourneaux à un repreneur? Êtes-vous prêt à bloquer les compteurs pendant 2 mois ?»« Oui, répond Mittal. Ce premier round se conclut donc sur une promesse de temps, 2 mois, pour retrouver un propre honneur. Au même moment, à Florange, les salariés attendent Arnaud Montebourg qui vient les rencontrer. Le matin, par voie de presse, ils ont appris le souhait de Mittal de fermer définitivement les hauts fourneaux. À son arrivée, bien sûr, l'accueil est glacial. Mais Arnaud Montebourg ne recule pas. Les visages fermés, la gorge sans doute serrée, le ministre écoute de nouveau les revendications des salariés. Puis il expose les difficultés à venir dans les négociations futures avec Mittal, comme il le précise à la sortie de la réunion à l'ensemble des salariés qui ont fait le déplacement. Je ne suis pas venu faire des promesses, car c'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. Le gouvernement français va exercer tout son poids pour que, 1, il y ait une solution de reprise, 2, il y ait des investissements dans la partie qu'il continuera à exploiter. Notre lutte est économique et politique. Nous demandons à ArcelorMittal d'accepter ce qu'il refuse ailleurs, c'est-à-dire d'autoriser la reprise là où il décidera de quitter les lieux. Et il conclut. Nous allons contacter tous les aciéristes du monde disposant de projets industriels. Et nous reviendrons vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Nous ne sommes pas sûrs de réussir. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. À bientôt. Au sein de la foule amassée, c'est l'incompréhension et les premiers cris de colère. Quelques minutes après Arnaud Montebourg, Édouard Martin met en garde le gouvernement, mais il accepte de poursuivre le combat auprès du ministre. Ce que nous avons dit au ministre, et on l'a mis en garde, et on le met en garde. Attention qu'ils ne sont pas en train de nous enfumer pour gagner du temps. Attention, parce qu'effectivement, on peut être le cauchemar de beaucoup de monde. Mais en attendant, il faut qu'on soit le cauchemar de Mittal. Et si ça peut permettre qu'un repreneur, éventuellement, même si on sait que ça va être très compliqué, rachète la phase à chaud, qu'il redémarre le fourneau, et qu'on démontre à ce bandit, qu'on démontre à la finance internationale, qu'une autre voie est possible, les mecs, ça sera notre victoire. Ça sera votre victoire. Le ministre a donc 2 mois pour trouver des repreneurs et mettre en place une solution de reprise viable et durable. Bercy lance alors une recherche internationale de repreneurs potentiels. Plus de 60 entreprises sont approchées, mais seulement 4 manifestent de l'intérêt. Pendant ces semaines d'études, le ministre rencontre de nombreux acteurs de la filière et cherche de l'aide partout. Parmi ses conseillers, on peut évoquer la présence d'Arié Flack, un ancien de la Banque Lazare qui a fondé une société spécialisée dans les fusions-acquisitions dans le domaine de l'énergie. C'est avec lui que le ministre théorise et imagine l'idée d'une nationalisation. Dès le début, les deux hommes penchent vers une solution temporaire. Ils envisagent Florange comme un mini-mill du nom de ces petites aciéries indépendantes aux États-Unis qui, en produisant et en transformant de l'acier au plus près des clients, ont réussi à obtenir des parts de marché. L'idée est étudiée, puis renforcée avec la recherche d'un repreneur qui pourrait participer à cette solution. Le 9 octobre, dans le plus grand secret, Arnaud Montebourg, accompagné de quelques figures politiques de Lorraine, rencontre un homme intéressé pour entrer dans la danse. Il s'appelle Bernard Sorin. Il est le président de Cockerill Maintenance and Engineering, qui possède un secteur de sidérurgie. Connu du monde politique, notamment en tant que président du FCMS, il est aussi une personnalité du monde ouvrier, car il a un temps dirigé Florange. Le ministre est confiant, rassuré. Le 2 novembre 2012, Arnaud Montebourg fait parvenir à François Hollande une première note de 8 pages où il présente le scénario d'une nationalisation transitoire. Quelques jours plus tard, pour en parler de vive voix, le président reçoit son ministre en compagnie de ses conseillers. Les réactions sont, disons, mitigées. Emmanuel Macron craint la réaction des marchés et se moque du ministre en indiquant « mais il n'y a plus qu'au Venezuela qu'on fait ça ». De son côté, le secrétaire général de l'Élysée, ancien préfet de Moselle, Pierre-René Lemas, pointe la fragilité financière des possibles repreneurs lorrains. François Hollande, lui, n'a qu'une crainte, que dans 2 ou 3 ans, ce soit l'État qui ferme la boutique. Malgré tout, il laisse la porte ouverte et demande à son ministre de poursuivre ses recherches. Le 15 novembre, une nouvelle note est envoyée avec un business plan travaillé entre Bernard Sorin et le Fonds stratégique d'investissement. Trois scénarios y sont alors détaillés. 1. La nationalisation. 2. La cession de gré à gré des activités françaises d'ArcelorMittal. 3. La fermeture des hauts fourneaux contre l'obtention de contrepartie d'ArcelorMittal en matière d'investissement. Mais le ministre qualifie ce troisième choix d'échec. Deux jours plus tard, une nouvelle rencontre sommet avec le président a lieu. François Hollande questionne, soupèse chaque argument, pointe les faiblesses et les atouts de cette solution, bien, mais l'horloge tourne. Finalement, il autorise son ministre à parler publiquement de cette solution. Arnaud Montebourg s'exécute et commence sa campagne de l'ombre auprès de possibles soutiens médiatiques et politiques. Et le 22 novembre, au Sénat, pour la première fois, il annonce devant les micros l'idée d'une nationalisation. Le problème des hauts fourneaux de Florange, ce n'est pas la défaillance des hauts fourneaux de Florange, c'est la défaillance de Mittal. Je veux rappeler que Mittal est propriétaire de 25 hauts fourneaux en Europe, disposant de parts de marché quasi monopolistiques, et que ceux-ci, ArcelorMittal, ont décidé d'en fermer 9. Je rappelle que des gouvernements européens ont dû nationaliser dans l'histoire leur acier. C'était le cas d'ailleurs en France de Raymond Barre. Ce fut le cas également au Luxembourg, en Belgique. Et que c'est par des efforts considérables des contribuables de tous les États européens que cet acier a pu être performant, compétitif. Et nous pouvons aujourd'hui considérer que la question qui est posée par vous, monsieur le sénateur de la Moselle, de l'éventualité d'un contrôle public, même temporaire, doit faire l'objet d'une étude sérieuse par le gouvernement. Et c'est le cas de ce à quoi nous nous sommes attelés depuis plusieurs mois. Le lendemain, le ministre poursuit sa démonstration ainsi que ses attaques contre M. Mittal auprès des journalistes des Échos. Pour lui, Florange est rentable si le site est intégré, ce que refuse l'industriel indien. Les journalistes découvrent alors que la nationalisation n'est pas une idée en l'air. Non, non, c'est bien un projet auquel le ministre et ses équipes travaillent depuis de longues semaines. Fier de présenter sa copie à des journalistes, Arnaud Montebourg se laisse alors porter par l'élan et il déclare « Nous ne voulons plus de Mittal en France ». Dès sa publication, la nationalisation fait la une. Est-ce viable? Rentable? À gauche comme à droite, en ces temps de crise, l'idée d'une nationalisation n'est pas si tabou que ça. Elle n'appartient pas qu'au passé. Jean-Louis Borloo, par exemple, indique qu'un contrôle public provisoire ne lui paraît pas inadapté. Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, avoue même que cette idée a été évoquée un temps sous le quinquennat précédent. Mais qu'en pense François Hollande? Le lendemain, le 27 novembre, le président rencontre de nouveau M. Mittal. Alors, que vont-ils décider? Que vont devenir les hauts fourneaux de Florange? 27 novembre 2012, Lakshmi Mittal est de retour à l'Élysée. Mais là, changement de décor. Fini le temps des présentations et des louanges. Désormais, le ton est à la confrontation. À l'inverse de la précédente rencontre, François Hollande entame la discussion en français. Mittal, lui, reste froid, distant. Ni le lieu, ni le protocole ne l'impressionne. Avant toute chose, le géant de l'acier tient à affirmer qu'il s'est senti blessé par les propos du ministre Montebourg dans la presse. Le président acquiesce. Puis, rappelle à son hôte ses engagements non tenus lors de la fermeture de Grandrange. Balle au centre. La rencontre entre ensuite dans le vif du sujet. Comme espéré par Mittal, l'État n'a pas trouvé de repreneur pour la seule filière chaude de Florange, mais une autre solution est désormais sur la table, la reprise par l'État du site de Florange. Après l'exposé, d'un ton ferme, Mittal refuse cette idée. Oh, calmement. Calmement, il explique qu'une nationalisation de Florange fragiliserait et porterait des menaces sur les deux autres sites d'ArcelorMittal en France. Puis il devient menaçant. Il indique qu'il est prêt à couper les approvisionnements venant de Dunkerque et de Fos. La guerre économique ne connaît comme diplomatie que le rapport de force. Le président réfléchit, envisage chaque solution, puis laisse Mittal dévoiler ses propositions et le relance. Bien, combien seriez-vous prêt à investir déjà? Mittal parle de 150 millions. François Hollande exige plus. En accord avec ses conseillers, Mittal avance alors le chiffre de 180 millions. Bon, et sur l'emploi? Moi je ne veux aucun licenciement, indique le président. Les négociations peuvent s'ouvrir, mais elles ne seront plus à la charge de l'Arnaud Montebourg. Jean-Marc Ayrault prend le relais. Écarté depuis le début de l'affaire, le Premier ministre reprend donc la main sur le dossier. Côté ouvrier, on ne sait rien des dernières avancées. Le 28 novembre, à deux jours de la fin de l'ultimatum fixé en septembre, ils décident de remonter à Paris. Là, ils installent une tente à côté du ministère de l'économie, puis ils manifestent devant l'Assemblée avant que certains soient invités à pénétrer dans l'enceinte. En haut du balcon, ils écoutent attentivement le ministre Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que ce choix? C'est d'abord le choix de préserver et de protéger des outils industriels qui sont viables et rentables et durables, surtout lorsque des opérateurs privés se déclarent en mesure de les faire vivre, fonctionner et prospérer. Et c'est dans ce sens que la nationalisation temporaire permet une alliance entre l'État et un industriel privé, car l'État ne sait pas malheureusement produire et vendre de l'acier. Mais il peut soutenir, aider un opérateur privé qui, lui, peut sauver des outils industriels qui, pour des raisons que vous connaissez dans l'affaire Lorraine, sont menacés de disparition. Voilà, monsieur le député, l'esprit, la doctrine dans laquelle se situe le redressement productif. Et je vous remercie du soutien, ainsi que l'ensemble des députés de tous les bancs qui considèrent ce scénario comme solide, crédible et d'avenir. Merci, monsieur le ministre. Le ministre joue-t-il le tout pour le tout? Il sait pourtant que la nationalisation semble écartée par le président comme par le premier ministre. Quelques heures plus tard, à Matignon, une première réunion a lieu autour des négociations qui s'ouvrent le lendemain. Entre le Premier ministre et le ministre du Redressement Productif, le torchon brûle. Ayrault est ulcéré par les déclarations de Montebourg. Il refuse qu'on laisse installer l'idée d'une nationalisation pour des raisons juridiques, par peur de contagion à d'autres entreprises, mais aussi pour des raisons sociales, pour sauvegarder l'emploi sur les autres sites français d'ArcelorMittal. Sur chaque point, industriel, économique, mais aussi politique, Arnaud Montebourg contredit le chef du gouvernement. Toute la classe politique est derrière la nationalisation, argumente-t-il. Et le ministre s'emporte. Je te rappelle que c'est le président qui est monté sur la camionnette. C'est lui qui va payer la facture. Autour de la table, personne n'intervient et assiste, stupéfait à cette prise d'armes entre les deux hommes. L'échange est dur, violent. Désormais, le conflit est ouvert. À la sortie de la réunion, chacun trace son chemin, chacun joue sa partition. Et c'est Arnaud Montebourg le premier à frapper. Le ministre du Redressement Productif joue la carte médiatique. En fin de journée, il invite les salariés de Florange qui campent devant son ministère à entrer. Arnaud Montebourg présente son projet, son financement, le repreneur ainsi que les objectifs fixés, mais il précise que la balle est désormais dans le camp du président et de Matignon. À la sortie, devant les micros, Édouard Martin énumère les arguments soufflés par le ministre. Tout est prêt, le repreneur existe bel et bien. Que ce même repreneur a déjà assuré la chaîne d'approvisionnement en matières premières, qu'il a viendrait avec un capital de 400 millions d'euros. Donc le budget pour reprendre possession de Florange est prêt. Le projet industriel est prêt. Il ne manque plus que l'accord de François Hollande. Il faut qu'il appuie sur le bouton pour dire « Ok, allez, on y va » parce que Arnaud Montebourg est persuadé qu'il n'y aura aucune négociation possible à Kessumital. Le lendemain, Édouard Martin et ses compagnons déposent une lettre à Matignon pour soutenir l'idée de nationalisation. Derrière l'enceinte, rien ne filtre. Les négociations se déroulent dans le plus grand secret. Au soir de cette première journée, tout reste à faire. Le lendemain, le ministre du Redressement Productif poursuit sa campagne de communication. Au petit matin, Arnaud Montebourg, en effet, apporte les croissants aux salariés d'ArcelorMittal. Bon les gars, je vous apporte des croissants, je vous apporte pas la réponse. C'est pas maintenant, mais je vous apporte des croissants. C'est bonjour. C'est pas du chaud, mais c'est des. Ça fait toujours plaisir. C'est gentil. Parce que vous ne devez pas avoir chaud quand même. Non, du tout. C'est là votre tante ? Ouais, elle est là. Vous voulez la visiter ? Ah oui, faites-moi visiter, vous avez visité le ministère. Ouais. Combien là ? 10 ? Je viens d'apprendre une nouvelle que si elle était avérée, elle sent le début de la trahison. Je parle comme je le pense. Hein. C'est le président qui décide. Et seul, voilà. Ah, mais attendez, monsieur Montebourg. Le président, il a mangé une merguez avec moi, Florence. Hein. Il le sait. Ben, je t'en souviens. J'espère qu'elle ne va pas être amère, la merguez. Hein. Venez. Éloigné des caméras, Arnaud Montebourg en dit un peu plus au représentant de la CFDT. Il l'avoue, oui. Il ne sait presque rien de l'avancée des négociations, mais il espère toujours que le président actera la nationalisation. Face à l'incertitude ambiante, les salariés de Florange décident de rentrer en Lorraine. À Matignon, le Premier ministre découvre le dernier coup médiatique de son ministre. La nationalisation est enterrée, alors à quoi bon alimenter cet espoir auprès des ouvriers, bon sang ? L'avenir de Florange, c'est Jean-Marc Ayrault qui doit l'imaginer avec ArcelorMittal. Et au second jour des négociations, les représentants du géant indien acceptent un investissement inconditionnel de 180 millions minimum. Ainsi, un premier cap est-il franchi ? Peu à peu, le gouvernement avance sur chaque point et élabore des solutions. C'est ainsi qu'ArcelorMittal s'engage à sauvegarder la filière d'emballage de Florange, à maintenir les hauts fourneaux de Dunkerque et Fos-sur-Mer et même à investir de nouveau sur le projet UCLOS, du nom de cette initiative européenne, soutenue par 48 entreprises pour une production de l'acier plus propre, dont Florange pourrait constituer un site test. À 18h30, les grandes lignes de l'accord sont acquises, mais pas encore totalement acceptées par les différents bureaux du pouvoir. Peu importe, Jean-Marc Ayrault veut reprendre la main face à son ministre médiatique. On annonce alors une intervention du Premier ministre pour 20h. L'Élysée, prévenu en même temps que la presse de l'initiative de Matignon, souhaite vérifier l'accord et les termes de l'allocution. L'horloge tourne, Ayrault rate le 20h. Peu après 21h, enfin, il s'exprime. Le groupe ArcelorMittal a accepté les conditions que j'ai formulées. Il n'y aura pas de plan social à Florange. Le groupe Mittal s'est engagé à investir au moins 180 millions d'euros sur les 5 prochaines années à Florange. La faible activité actuelle en Europe ne me permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme. Mais le gouvernement a obtenu l'engagement du groupe Mittal de les maintenir dans un état qui permette, le moment venu, la réalisation d'un projet industriel d'avenir. C'est le projet Ulcos. Il s'agit de produire de l'acier de façon économe, en énergie, et plus respectueuse de l'environnement par la captation de CO2. Après plus de 18 mois de mobilisation, Jean-Marc Ayrault annonce une sortie de crise. Les hauts fourneaux resteront éteints, mais il n'y aura pas de licenciement. Dans son intervention longue et technique, le chef du gouvernement n'oublie pas de critiquer son ministre et son plan qu'il juge en ces termes. Il n'y avait aucun repreneur crédible et ferme. À Florange, rassemblés autour du poste de télé d'un bureau syndical, serrés les uns contre les autres, les salariés écoutent. Après la victoire de François Hollande et les différentes rencontres avec le président et le ministre Montebourg, ils espéraient pouvoir gagner cette lutte et sauver les hauts fourneaux. Ce n'est pas le cas. Triste, ils jugeront sur pièce. À Bercy aussi, l'annonce résonne comme un terrible désaveu pour le ministre du Redressement Productif. écarté des négociations, recadré par le Premier ministre, oublié par le Président, Arnaud Montebourg sort KO de cette journée du 30 décembre. Le lendemain, il appelle tous ses proches et évoque son souhait de démissionner. Finalement, après une entrevue avec le Président et une franche discussion avec le Premier ministre, Arnaud Montebourg décide de rester. Il est donc auprès de Jean-Marc Ayrault quand, le 5 décembre, Matignon reçoit l'intersyndicale pour exposer en détail l'accord signé. Le ministre est confiant, les salariés sont méfiants. L'avenir leur donnera raison. Et très vite, le lendemain, on apprend en effet dans la presse qu'ArcelorMittal a annoncé son retrait du projet UCLOS. Dès le second rendez-vous avec le président, Mittal avait annoncé la couleur. Depuis la signature de l'accord avec le gouvernement, c'était la grande inconnue. Surtout que le communiqué d'ArcelorMittal n'avait pas mentionné le projet européen. À Florange, Édouard Martin se sent trahi, trompé. Parce que François Hollande est venu nous voir ici. On pensait que c'était une main tendue. On avait l'eau jusqu'au cou. Et on a cru comprendre dans son message « Je vais vous sauver ». Ce qui a été fait depuis hier soir et aujourd'hui, on nous a enfoncé la tête dans l'eau. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. La trahison continue. L'encre de Matignon n'est pas sèche que le père Mittal vient de nous enfoncer un deuxième coup de poignard. Le premier coup de poignard, c'est Ayrault qui nous l'a mis. Allez, yo. On a été trahis. Allez. Puis la colère surgit. Et on en appelle solennellement au président de la République. Et je veux lui dire dans les yeux, Monsieur le Président, souvenez-vous du 24 février 2012. Souvenez-vous ce que vous êtes venu nous dire là. Est-ce que vous êtes tranquille avec votre conscience? Est-ce que vous savez que vous mettez dans le désarroi, dans la misère sociale, toute une région? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un malheur ici? Eh ben nous allons être votre malheur si vous ne cessez pas ce mensonge, cette tromperie. Et c'est une promesse. Et nous, on a l'habitude de les tenir, nos promesses. Voilà ce qu'on tient à dire. Et à partir d'aujourd'hui, on prend possession de l'usine. Depuis ce dernier cri, les hauts fourneaux de Florange n'ont jamais repris. Certes, et c'est tout le paradoxe de cette histoire, grâce à l'accord signé, il n'y a pas eu de plan social. Beaucoup sont partis à la retraite, d'autres ont retrouvé un emploi au sein du groupe. Mais que s'est-il passé pour les intérimaires et les entreprises de sous-traitance de la vallée? Aujourd'hui, que retenons-nous de cette première crise sociale et politique du quinquennat? Florange est-il le tombeau des promesses inachevées? Quoi qu'il en soit, comme le conclut Édouard Martin dans son livre « De Gandrange à Florange », les gouvernements passent... Mittal reste. Listen to them, children of the night. What music they make. Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. The main thing that they have all in common is fear. Just think about it. Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some icing on the cake. If you wanna rap free, you better find another way. Check it out. dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You feeling more, but when they peep, you peep and you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. Fade out. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier ArcelorMittal, pardon, Florange. Bonjour, Elsa Fresnay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste aux Échos et auteur du livre intitulé Florange, la tragédie de la gauche, coécrit avec Valérie Astruc, pour lequel, d'ailleurs, vous avez rencontré tous les protagonistes, quasiment tous les protagonistes de ce dossier. Avant de revenir sur le déroulé de cette première crise politique du quinquennat de François Hollande, parce que c'est éminemment politique cette histoire, on y reviendra. L'histoire d'abord de l'OPA de Mittal sur Arcelor. Comment Mittal met-il la main sur Arcelor et les sites sidérurgiques français? Alors il faut pas oublier à l'époque, c'était en 2006 que ça avait suscité beaucoup d'émoi, parce que Lakshmi Mittal à l'époque possède déjà pas mal d'aciéries dans le monde, mais en même temps il lui manque des productions d'acier à très haute valeur ajoutée. Et puis il lance une OPA sur ce qui est un fleuron centenaire de la France, enfin bon, voilà. Simplement, à l'époque, il dit, il se présente comme potentiellement le sauveur de l'acier européen. Il promet d'investir, ça fait déjà quelques années qu'il possède l'usine de Gandrange, qu'il a effectivement à l'époque modernisée, l'usine est redevenue bénéficiaire en 2005 et tout, et il dit, eh ben, je vais faire la même chose pour Florange, les autres sites d'Arcelor et tout ça et tout ça. Et il y a à peu près 6 mois de campagne de communication intense, parce qu'il s'attache évidemment les services d'une agence de communication parisienne bien connue, et puis le gouvernement Villepin à l'époque essaye d'obtenir des garanties. Mittal s'engage à investir, etc., mais met toujours un codicille si la conjoncture économique est favorable. Ouais. Et donc, comme la conjoncture économique se retourne en 2008, eh ben, il fermera Gandrange, et puis en 2011, il éteindra temporairement les hauts fourneaux de Florange jusqu'à leur extinction définitive en 2013. Donc à partir de 2008, effectivement, avec la crise, la situation de l'acier et du groupe se dégrade. L'une des premières victimes est donc le site de Gandrange, là où Nicolas Sarkozy déclare, avec ou sans Mittal, l'État investira dans Gandrange. Alors 3 ans plus tard, est-ce que c'est à cette promesse que François Hollande répond? Le 24 février 2012, non pas pour répondre à une promesse de Nicolas Sarkozy, mais à répondre aux salariés, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, dans tout ce dossier, François Hollande a une obsession, ne faire exactement le contraire de Nicolas Sarkozy. Donc déjà, la première fois qu'il va sur la camionnette, il essaie de retenir ses mots, de pas trop promettre, mais enfin, il suggère quand même qu'il va empêcher l'extinction des deux hauts fourneaux. Et ensuite, effectivement, il veut tout faire. Et d'ailleurs, Arnaud Montebourg en joue un peu, parce que pendant qu'il discute d'une éventuelle nationalisation, Arnaud Montebourg arrête pas de lui dire « Tu vas avoir ta plaque comme Sarkozy à Gandrange, tu vas avoir ta plaque comme ça », pour aiguillonner François Hollande, qui est évidemment pas chaud sur l'idée de nationalisation. Et l'épisode de la camionnette est un épisode fort quand François Hollande leur parle. Est-ce qu'il a quand même conscience de prendre un risque, parce que les engagements sur les sites industriels dans une conjoncture défavorable, dans un secteur qui souffre, c'est toujours périlleux. Oui, absolument, il en a conscience. D'ailleurs, c'est pas sa première visite dans la Moselle. Et simplement, comme c'est la troisième, comme on arrive dans la phase finale de la campagne, et que par ailleurs, le syndicaliste, le leader syndical de l'époque, Édouard Martin, est plutôt quelqu'un d'habile, il amène François Hollande à faire des promesses. Alors, on en arrive à cette solution, parce qu'on va pas refaire le récit, mais on va s'arrêter sur 2 ou 3 points importants. Cette solution de la nationalisation, ça avait eu pas mal d'écho, parce que nationalisation nous renvoie à une autre époque. Bon, c'était pourtant une solution possible. Alors, Arnaud Montebourg, lui, il est vraiment le promoteur de cette solution. Je crois que vous l'interviewez quand il a cette proposition, il vient vous en parler. Comment est-il? Très excité par l'idée? Il est volubile? Il est comment? En fait, on l'imagine comme ça. Mais... Oui, oui. Le lendemain de ses premières déclarations au Sénat, que vous, dont vous nous avez parlé, mais qui, déclarations qui à l'époque sont passées inaperçues parce qu'il y a la guerre des chefs à l'UMP entre Copé et Fillon. Moi, je le rencontre avec Dominique Seret, qui était rédacteur en chef des Échos à l'époque, et je le rencontre pour un portrait. Et puis, sauf que, évidemment, Florange, ça nous intéresse, les Échos, l'avenir industriel, tout ça. Donc, on le pousse sur ce dossier. Alors, au début, il est prudent. Puis, plus on le pousse, plus il apparaît monté sur un ressort, et sûr de lui, et content, et content parce qu'il faut comprendre. On connaît Montebourg, il aime le goût de la croisade. En plus, il a... Je pense et du panache, faut l'avouer. Et du panache, absolument. En plus, je pense qu'il a sincèrement été ému par les ouvriers, les métallos de Florange quand il y est allé quelques semaines plus tôt, qu'il pense sincèrement que Lakshmi Mittal est un voyou, et que, comme avec le réflexe d'avocat, comme il a travaillé le dossier, comme il est certain que sa solution est la bonne, il n'imagine pas une seconde que ça puisse se dérouler autrement. Que il par est une sûr de lui, voilà. Et... Pardon, continuez, je vous ai coupé. Non, non, voilà. Et François Hollande, lui c'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'il ne veut pas y croire. Pourquoi il veut pas de nationalisation? François Hollande, d'abord, s'il laisse partir Montebourg sur ce projet, c'est parce qu'il a besoin d'un levier de pression contre Lakshmi Mittal. Levier qu'il n'a pas encore trouvé. Donc, il laisse aller Montebourg. Mais si, au fond, François Hollande ne veut pas d'une nationalisation, c'est parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, il a quand même un souci. Il a besoin que les investisseurs internationaux viennent en France. Voilà. Or, les investisseurs internationaux ont déjà été douchés par la taxe à 75%, même revue et corrigée, mais ça a fait un effet terrible à l'étranger. Bon, voilà. Et il a un petit Emmanuel Macron, son secrétaire général adjoint à l'Élysée, qui à l'époque lui souffle à l'oreille. Il faut quand même pas décourager les investisseurs internationaux, etc. Il faut faire attention au langage qu'on tient à l'égard des industriels étrangers. Alors, pendant ça, donc Arnaud Montebourg sait quelle carte il a à jouer. Alors, il y a toujours l'impression que chacun, dans cette histoire, joue aussi un peu sa carte personnelle, hein, son parcours politique. Et Arnaud Montebourg a, disons, un certain goût pour la mise en scène. On le sait, ça fait partie du personnage. Hein, et je crois savoir, enfin, en tout cas dans votre ouvrage, on apprend qu'il est conseillé indirectement par un scénariste. Oui. Dites-moi ça. Bon, mais ça fait aussi partie des curiosités chez Arnaud Montebourg, c'est que il pioche son entourage dans des milieux très très différents. Voilà. Donc il a son équipe à Bercy, il est conseillé par le banquier d'affaires Harry Flack, et puis politiquement à cette époque, il discute beaucoup avec Malek Bouti, qui est un ami scénariste. Malek Bouti a cet ami scénariste qui a fait de longues années en politique, hein, par ailleurs, et donc il voit ensemble régulièrement Arnaud Montebourg, parce que en cette rentrée 2012 déjà, Arnaud Montebourg déprime, il trouve que le quinquennat est parti sur de mauvaises rails, que voilà, ça va pas, que on le sous-estime, que tout ci, que tout ça, et il cherche un moyen à la fois d'envoyer un signal aux ouvriers, parce que lui il considère que le discours du Bourget et la victoire de François Hollande, c'est parce que François Hollande a reconquis les catégories populaires, donc à la fois il veut envoyer un signal, et puis en même temps, il veut exister, comme tout politique. Alors, Jean-Marc Ayrault aussi. C'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, à un moment, on a l'impression qu'il dit hey, « c'est moi le patron quand même, hein, c'est moi le patron du gouvernement, pourquoi c'est que François Hollande et Arnaud Montebourg, j'arrive ?» Et donc, il arrive, et bien sûr, il va y avoir rivalité à la fois personnelle peut-être, mais rivalité sur les options, hein, entre celui qui veut la nationalisation et puis le Premier ministre qui n'en veut pas. Dans votre livre, vous évoquez les propos d'Arnaud Montebourg où il l'indiquerait au Premier ministre, ou il l'a indiqué au Premier ministre, si on continue comme ça, on va tous finir en string panthère dans les jardins de l'Élysée. Tous, et Ayrault lui aurait répondu, oui, et ce sera la prochaine une de magazine. Il faisait référence à la une de magazine de Montebourg en marinière. En marinière, à la une du Parisien Magazine, oui, qui avait fait à l'époque sourire dans les rangs du gouvernement. Et l'expression string panther, effectivement, c'est Arnaud Montebourg qui l'utilise, mais l'histoire est assez savoureuse. C'est une blague qu'ils ont en commun avec Emmanuel Macron, et à l'origine, c'est une expression d'Emmanuel Macron. Bon, tout le monde se... Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Oui, bah, elle s'inscrit dans la grande. Alors le Premier ministre aussi, j'ai l'impression, se prend un peu dans les pieds dans le tapis médiatique, notamment lors de son annonce du 30 novembre, où il se précipite pour annoncer, sans prévenir l'Élysée. On a l'impression que chacun veut être sur le devant de la scène dans cette histoire. J'en parle beaucoup parce qu'à travers le récit et entre les lignes, derrière les lignes, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. En fait, pour moi, si je devais résumer cette histoire de Florange, c'est une allégorie du quinquennat Hollande. Ouais. C'est-à-dire qu'à travers cette histoire, vous avez le choc de deux gauches qui s'opposent sur la conception de l'État et de l'action de l'État. On le verra ensuite tout au long du quinquennat. Et effectivement, à l'époque, Jean-Marc Ayrault est celui qui assume le plus franchement une ligne sociale démocrate. Voilà, l'État ne peut pas tout. Ayrault le pense et Ayrault le dit. François Hollande le pense, mais ne veut pas le dire. Et en revanche, Montebourg est convaincu que l'État doit reprendre des moyens face au marché. Bon, ça, c'est la première chose. Cette histoire, elle montre aussi ce qu'on reverra tout au long du quinquennat, c'est que François Hollande n'est pas un manager d'hommes. Voilà. Tout simplement, il a laissé partir Montebourg, il ne lui a jamais dit stop. Or, à Montebourg, à un moment, faut lui dire stop. Oui, mais ça l'a rangé. Sinon, il continue. Mais ça l'a rangé aussi, François Hollande, oui, de laisser Montebourg aller à la bataille face à Mittal. Oui, ça l'a rangé. Ça montre que, voilà, que l'État a des muscles aussi. C'est vrai, ça l'a rangé tactiquement parce que François Hollande voulait un levier face à Mittal. Il a juste oublié que comme Montebourg faisait cette croisade publiquement, les ouvriers de Florange l'entendaient aussi et que la déconvenue serait terrible à la fin. Et enfin, cette histoire, c'est une allégorie du quinquennat parce que, in fine, l'accord qui a été signé, les accords ont été respectés par Mittal, ce qui est presque une première en termes d'investissement, hein, qu'il respecte ses accords. Donc, Florange s'en sort pas si mal et surtout beaucoup mieux que Gandrange. Mais la communication a été tellement catastrophique sur ce dossier, ça a tellement donné l'impression d'une retraite en race campagne par rapport aux promesses de campagne, justement, que cet exécutif et le président n'en tirera aucun bénéfice. Donc problème de communication et problème aussi de... Et de fond. Et de fond. Alors on a eu deux communications, de fond et de... Alors les résonances sont fortes hein, quand même, à la lumière des débats de la primaire de la gauche, par exemple, où on voit ces deux gauches irréconciliables, y compris, c'est pas que Mélenchon et Parti Socialiste, hein, y compris dans le Parti Socialiste, entre la ligne Hamon et la ligne Valls, par exemple. Tout est dit notamment dans ce conflit ArcelorMittal, on peut le voir comme ça On aurait pu le voir comme ça si on avait eu un Valls-Montebourg. Ouais. Hamon a eu une autre habileté qui est justement de sortir de ce truc-là et de proposer un truc totalement ailleurs avec le revenu universel. Bon, ben, il y a eu Montebourg avant le deuxième tour. Mais c'est vrai qu'on continue. Et puis, plus en dehors des propositions en tant que telles, les vraies gauches irréconciliables et qu'on retrouve chez Hamon et Valls, c'est une gauche de l'exercice du pouvoir gestionnaire, mais qui n'arrive pas à susciter de l'espoir. Qui est crédible mais qui n'arrive pas à susciter de l'espoir et une gauche qui suscite de l'espoir mais qui serait pas crédible mais qui reste à prouver sa crédibilité là on part sur un autre débat et qui n'a pas l'expérience du pouvoir. D'ailleurs, on va pas trop partir sur un autre débat parce qu'on va quand même écouter les premiers intéressés, hein, ce sont les salariés. Le 30 novembre, donc, un accord est signé entre le gouvernement, l'emploi et sauvegarde, on l'a dit, mais Léo Fourneau reste éteint, on l'a dit aussi. Je vous l'ai rappelé, je vous propose quand même d'écouter ensemble un extrait d'un reportage de France 3 de novembre 2014 où les reporters sont allés à la rencontre de deux ouvriers, Thierry et Sébastien. Aujourd'hui, si la scierie de Gandrange est fermée et Léo Fourneau éteint, la vie continue quand même. Thierry et Sébastien ont vécu avec leurs camarades ces années de lutte. Ça fait mal au cœur de voir le site fermé ? Tout à fait, oui. Voilà. C'est un gros gâchis, ça, parce que quand même, on faisait des produits de qualité, on était bénéficiaires, donc c'est pour ça qu'on n'a pas compris notre fermeture, quoi. Thierry, 55 ans, 3 enfants, travaille dans la sidérurgie depuis 1982. Toujours employé du géant de l'acier, il est aujourd'hui surveillant à la coquerie. Je travaillais à la scierie, puis suite à la fermeture de la filière liquide, donc on nous a dispatchés dans différents endroits. Donc à 55 ans, reprendre un nouveau travail, se former, c'est pas évident, quoi. Sébastien, lui, a 35 ans. Employé dans l'entreprise depuis une décennie, il a connu de plans sociaux. Avec Antoine, son fils, il revient devant l'entrée de son ancienne usine. Bah c'est quoi ? C'est une grosse pierre tombale, quoi. Voilà. C'est comme si c'était un cimetière, quoi. Alors, les hauts fourneaux sont éteints tout au long de la crise. Un nom est revenu à plusieurs reprises et qui générait de l'espoir, Ulcos, n'est-ce pas ? De quoi s'agit-il ? Parce que je crois que ça ne s'appelle plus comme ça déjà. Oui, en fait, c'est un projet, c'est encore à l'état de projet de recherche. Hein. Mmh. Il s'agit de produire de l'acier en rejetant un peu moins de CO2. Donc c'est une espèce de production d'acier... un développement durable. Exactement, c'est ça. Bon, Ça tient debout, cela dit, dans l'idée. Ah non, mais c'est une très bonne idée. Et à un moment, il faudra sans doute aller par là. Le problème est que c'est des industriels privés qui sont autour de la table et qui investissent, et que quand ils sont très endettés ou qu'ils considèrent que la conjoncture n'est pas porteuse, comme c'était le cas de Lakshmi Mittal à l'époque, et ben ils abandonnent. Et on continue malgré tout et malgré ce souhait de se retirer de la part de Mittal, de se retirer de ce projet européen, on continue pendant la crise à faire croire à cette solution, on continue à faire croire à des solutions auxquelles on ne croit pas finalement. Alors ça c'est une vraie bêtise. On est bien d'accord. Oui, c'est une vraie bêtise et pour le coup ça c'est la bêtise faite par Ayrault, c'est que le gouvernement sait depuis novembre que Mittal va se retirer de Ulcos. Ayrault croit au projet comme on croit à un projet d'avenir. Ouais. Mais donc il s'y accroche et il en reparle quand il fait sa fameuse conférence de presse du soir pour dire que les hauts fourneaux... D'ailleurs, il ne dit même pas que les hauts fourneaux seront éteints, mais que vont se poursuivre grâce à Ulcos. Or, l'exécutif, à ce moment-là, sait parfaitement que Ulcos, c'est pas pour tout de suite et c'est même pas sûr que ça ait lieu un jour. Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour gagner du temps, le temps de trouver une solution, si on peut en trouver une, c'est pour pas qu'il y ait un aveu d'échec chèque du gouvernement, c'est ça. C'est cette façon de jouer avec, oui. Parce qu'ils le font pas par plaisir. Non, pas du tout. De jouer avec les salariés, les espoirs des salariés. Voilà, c'est pour que la douche soit moins froide tout de suite, et si parce qu'on voudrait y croire quand même, et voilà. Mais là, quand même, la leçon de cette histoire, et pareil qu'on a vu dans le quinquennat, c'est que François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg, ils ont joué quelque part en cercle fermé, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur bras de fer avec Mittal, dans leur bras de fer entre eux, etc. Ils ont juste oublié que tous ces bras de fer étaient publics et qu'ils ont suscité des espoirs auprès d'un certain nombre de personnes qui ont ensuite été douchées très durement. C'est encore plus froid. La douche est encore plus froide. Mais bien sûr. Alors dites-moi, Emmanuel Macron a joué un vrai rôle dans cette affaire. Alors à l'époque, on s'en fichait un peu. On savait qu'il y avait ce secrétaire général adjoint d'Élysée, des conseillers économiques, qui était important. Bon, on s'en fichait, quoi. Bon, maintenant, évidemment, les résonances sont fortes autour de Macron. Il a joué un vrai rôle. Alors lui, j'imagine, c'est une nationalisation, surtout pas. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'à l'époque, Emmanuel Macron, faut pas oublier qu'on est quelques mois à peine après l'élection de François Hollande. Ouais. Donc Emmanuel Macron s'installe à l'Élysée, il a conscience, et c'est pas juste un techno, il a conscience que c'est un dossier très politique et donc il laisse quelque part François Hollande évidemment choisir son option politique. Il est pas, il sera beaucoup plus insistant sur d'autres dossiers qu'il ne l'a été sur Florange. En revanche, c'est sûr que la nationalisation, c'est pas trop de son goût. Non, c'est pas dans son logiciel idéologique, c'est clair. Non, puis c'est pas son truc parce que précisément lui il bosse sur l'attractivité de la France. Alors voilà. En même temps, Arnaud Montebourg a longtemps cru que Emmanuel Macron avait été son allié dans cette affaire. Voilà. Donc, moi je ne crois pas. qu'à l'époque, forcément, Valérie Astruc et moi, pour nos médias respectifs, on enquête et donc on a l'Élysée. Et la tonalité qui nous revient bien avant que François Hollande prenne sa décision, c'est pas celle de la nationalisation. Après, il reste une chose qui n'a jamais été éclaircie entre Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron. C'est qu'Arnaud Montebourg nous l'a dit, on le raconte dans le livre, que la veille du jour où Ayrault annonce l'accord avec Mittal, il dit le soir, il téléphone à Montebourg et lui dit « Le président est prêt à sauter en parachute avec toi ». C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire, il laisserait entendre que Hollande serait prêt à aller vers la nationalisation. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, le jeudi soir, les négociations sont bloquées. Enfin, ça se passe mal, etc. Elles se débloqueront le vendredi. Bon, ça, c'est ce que raconte Montebourg et qu'il a confirmé plusieurs fois. Et on s'était tourné vers Emmanuel Macron qui nous avait démenti ça. Voilà. Il reste une inconnue sur peut-être le jeu un peu, quelque part, manœuvrier qu'aurait joué Macron dans cette affaire. Alors, je note que la vallée d'Affench reste une étape sur la route de l'Élysée. Il y a quelques jours, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était sur place. En juin dernier, Arnaud Montebourg y a presque lancé sa campagne pour la primaire. Et puis, alors, le 17 octobre 2016, c'était François Hollande, pas encore mon candidat, qui était de retour à Florence. Je crois que c'est devenu le forum politique de la vie politique française. Florence, c'est pas des indices, hein, ça, c'est des faits, quoi. Ils y vont oui, tous. Mais parce que c'est un vrai symbole, quand même. Dans cette histoire, il y a quand même quelque chose qu'il faut un peu saluer, c'est que les ouvriers de Florange qui se sont battus pendant des mois pour éviter l'extinction des hauts fourneaux. Bon, ils ont mené un combat surhumain sur cette histoire-là. Enfin, c'était le jour, la nuit. Et quelque part, ils ont réussi à attirer l'attention sur leur usine, qui n'était pas la plus importante de France. Et ils ont fait en sorte qu'elle devienne un symbole. Voilà. Parfois, le symbole est un peu lourd à porter pour eux. J'imagine. Ce sera le mot de la fin, Elsa Fresnay. Merci. Je voudrais conseiller également sur le sujet le film intitulé La bataille de Florence de Jean-Claude Poisson qui a suivi toute cette mobilisation et ce combat du côté des ouvriers. Donc, vous pouvez voir ce film, La bataille de Florence. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Florent et ArcelorMittal, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction. Elle sera consacrée à l'écrivain Albert Camus et à son discours de Stockholm.